Bertrand du Guesclin est nommé connétable. Jean le Bon est amené en captivité en Angleterre. Le traité de Brétigny, en 1360, le libère. Mais le fils qu'il a laissé en otage s'étant évadé, il retourne en Angleterre par respect de la parole donnée et y meurt en 1364. Charles V lui succède et sous son règne, la France se relève, surtout grâce au fait d'armes de du Guesclin, petit gentilhomme breton que nous allons voir accéder à la dignité de connétable, la plus haute charge militaire du royaume.